rentré dans ce putain de business sans savoir où j'allais. Cette cible m'a fait perdre le nord à ne plus savoir où est le Pas-de-Calais. 97, j'ai raté mes premières lignes. Ça faisait déjà 10 piges qu'Alex coachait en première ligue. J'garde pure au skut de 2 balles de nez, 3 fois plus efficace. J'ai fait des photos avec Chikin et tu me la dédicaces. J'étais un jeune fanatique, lunatique et time bomb. J'étais un jeune sympathique qui vivait juste dans l'ombre. Merde, y'a tellement de skuts que j'ai saigné. Et dans mes rêves les plus fous, c'est chez Arsenal que j'signais. J'te parle d'Arsenal Records. 2013, c'est Black Brut qui n'a plus le temps de jouer comme Daddy Lord. N'était pas forcément mieux avant, mais j'suis dans ma nostalgie. Mais qu'aurait été le rap français sans le groupe Ideal J? Mais qu'aurait été le rap français sans IAM et NTM? Mais qu'aurait été le rap français sans la BO de la M? Démocrate des sages poètes de la rue La Clica. C'est mon passé, je ne pourrai jamais oublier tout ça. Les cassettes de Doncha, L432. Les mixtapes de Posca, j'arrive, j'passe d'en prendre deux. J'doublais les exemplaires pour le grand ref, car il m'a mis dedans. Quelques gouttes suffisent, car bientôt on prend la deuxième mi-temps. Il est casse des X, la Funky Family. Il déplace des villes, j'aurais bougé mon cul pour 5 minutes de concert. Opéra Puccino, sûrement dans mon top 3. Ce n'est pas si nul que ça l'opéra, tu vois comme quoi. Pour les tueurs de l'impro, Busta, Diabus, Asken, Zoxy, Doncha. Le reste c'est comme chi, comme chat. J'oublie la jante féministe, c'est vrai que la galanterie se perd. Stace Rose, le Dynasty, une pensée pour ton frère. Ménage à trois, Doc, moins un, les deux balles, les trois coups. Venez nous faire kiffer les gars, je vous entends plus, c'est pas cool. On essaie de prendre exemple, comme on peut on se démène. On n'est pas aussi fort que vous, c'est clair, mais bon on essaie. Un hommage à tous ces groupes qui ont marqué notre époque. J'aurais pu appeler ce titre Vive le hip-hop. Vive le hip-hop. Vive le hip-hop. Mais qu'aurait été? Mais qu'aurait été le rap français sans Cut Killer? Mais qu'aurait été le rap français sans Logilo? Mais qu'aurait été le rap français sans Radio Nova? Mais qu'aurait été le rap français sans 882? Mais qu'aurait été le rap français sans Istefab? Mais qu'aurait été le rap français sans LSO? Mais qu'aurait été le rap français sans le ministère? Mais qu'aurait été le rap français sans Arsenic? Mais qu'aurait été le rap français sans Prose Combat? Mais qu'aurait été le rap français sans Sléo? Mais qu'aurait été le rap français sans La Rumeur? Mais qu'aurait été le rap français sans Afro Jazz? Mais qu'aurait été le rap français sans Assassin? Mais qu'aurait été le rap français sans OXMO? Mais qu'aurait été le rap sans... Mais qu'aurait été Black Brut sans Cru? Non, ok. Nous on est des enfants du hip-hop, des enfants du rap français, tiens. Maximum de respect à tous les groupes, à tous les artistes que j'ai cités dans ce titre. J'en ai sûrement oublié, mais bon. Ah. Tant que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Ah. On a perdu quelques ans en chemin. R.I.P. Jemedi. R.I.P. East. R.I.P. Fredica. À tous ceux que j'ai vu. Vive le rap français. Ouais. Pas de bac, pas d'ambiance. On laisse ça comme ça.